je l'avoue. Avec vous, je sens craquer mes genoux. Hello, Mary Lou. Je suis jaloux de tous ceux qui tournent autour de vous. Quand je vous regarde passer derrière la vitre du café, j'ai bien envie de vous raccompagner. Mais soudain, un type en blouson, comme une pluie de papillons, vous suive en moto jusqu'à la maison. Hello, Mary Lou. Je l'avoue, près de vous, je ne me contrôle plus du tout. Hello, Mary Lou. Je deviens fou. King du rock and roll, peut-être que vous m'auriez remarqué. Mais je ne suis qu'un countryman, et comme je travaille à la chaîne, je n'ai pas les